Je suis douce et gentille et n'ai aucun tort. Mais comme tout le monde, je cultive mes morts. Je hais les ténèbres, j'ai peur du noir. J'en porte souvent, c'est si beau le soir. Oh, j'ai peur de la mort avec laquelle je vis. Oh, j'ai peur de tout ce que je ne connais pas. Oh, j'ai peur de tous ceux qui vivent bien avec ça. J'ai si peur, ils sont fous ceux qui n'aiment pas la vie. J'ai peur de mourir parce que je ne sais pas où qu'un dieu ne m'attend, me tend dans les bras. Mais si j'ouvrais les yeux, moi, je verrais bien que la mort est partout le long de mon chemin. Oh, j'ai peur de la mort avec laquelle je vis. Oh, j'ai peur de tout ce que je ne connais pas. Oh, j'ai peur de tous ceux qui vivent bien avec ça. J'ai si peur, ils sont fous ceux qui n'aiment pas la vie. Je suis douce et gentille et n'ai aucun tort. Mais comme tout le monde, je cultive mes morts. Je hais les ténèbres, j'ai peur du noir. J'en porte souvent, c'est si beau le soir. Oh, j'ai peur de la mort avec laquelle je vis. Oh, j'ai peur de tout ce que je ne connais pas. Oh, j'ai peur de tout ce que j'ai peur de mourir parce que je ne sais pas qu'aucun dieu ne m'attend, me tend dans les bras. Et si j'ouvrais les yeux, moi, je verrais bien que la mort est partout le long de mon chemin. Oh, j'ai peur de la mort avec laquelle je vis. Oh, j'ai peur de tout ce que je ne connais pas. Oh, j'ai peur de qui n'aime pas la vie. C'est vrai, faut être fou pour pas aimer la vie, c'est tellement vachement bien. Bah ouais, quand même, hein.